sur la vérité n'est pas pour rendre l'homme heureux, c'est pour la pratique et le changement. Si tu comprends la vérité mais ne la pratiques pas, toute compréhension est vaine. Tu perds ta chance de gagner la vérité, tu perds ta chance d'être sauvé. On dit que pratiquer la vérité n'enlèvera pas les problèmes. D'autres pensent que la vérité ne résout pas les problèmes de l'homme. Les problèmes d'homme peuvent se résoudre. La clé est d'agir en accord avec la vérité. Si tu pratiques celle que tu comprends, tu gagnes en vérité plus profond. Seras éclairé et guidé par le Saint-Esprit. Oh, si tu la pratiques, tu gagnes en vérité plus profond. Recevra le salut de Dieu. Tu recevras le salut de Dieu. Oh, tes problèmes ne sont pas mortels si tu pratiques la vérité. Tes problèmes seront résolus. Sur le bon chemin, tu réussiras. On agit dans la vérité, le mauvais tempérament change. Mais compter sur sa nature, personne ne sera transformé. Si tu pratiques celle que tu comprends, tu gagnes en vérité plus profond. Seras éclairé et guidé par le Saint-Esprit. Oh, si tu la pratiques, gagne en vérité plus profond, tu recevras le salut de Dieu. Tu recevras le salut de Dieu. Certains sont pris par leurs soucis, ne pratiquent pas la vérité tout près. Des malades inhérents, béni mais n'y goûtant pas. La voie est là à être pratiquée. Les défauts fatals seront changés. Sois vigilant, prudent, souffre encore un peu. Oh, pour croire en Dieu, il faut un cœur prudent. Peux-tu vraiment croire si tu marches nonchalamment? Celle que tu comprends, tu gagnes en vérité plus profond. Seras éclairé et guidé par le Saint-Esprit. Oh, si tu la pratiques, tu gagnes en vérité plus profond. Tu recevras le salut de Dieu. Tu recevras le salut. Pratique celle que tu comprends, tu gagnes en vérité plus profond. Seras éclairé et guidé par le Saint-Esprit. Oh, si tu la pratiques, tu gagnes en vérité plus profond. Tu recevras.